Une veste fat baggy, Timberland boots. Et yo check ça, le style de Guerry dans la street. Écoute nos messages qui passent. Trace comme une allemande, radar flash sur l'autoroute. Flamboyant depuis la bonne époque. Un jeune écolier qui rêve de brasser des liasses. Porter des bracelets, des colliers, hein. Les fous comme inspiration, c'est fou. Maintenant je maîtrise à fond. Les fers se gourrent, fourrés dans les mauvais coups. Ça court après les bifs, ton fils on sait quoi le bif. Notre environnement est nocif. Ici ça vend du rêve, moi je rêve du vent. Je te parle du vent, chaud. Pas celui qui te glace le sang. Je dois faire le vide, pour ma santé c'est bénéfique. Des histoires sales m'obligent à dire que j'emmerde des flics. Dans les journaux y'a pas de bavure. C'est pour ça que le sourire de mes frères me rassure. C'est la base fils, impossible d'arrêter la team. On vient pour ramasser le cash vite. Ma FIA connexion, pure comme la colombienne. La mif avant le bif avant les chiens. C'est la base fils, impossible d'arrêter la team. On vient pour ramasser le cash vite. Ma FIA connexion, pure comme la colombienne. La mif avant le bif avant les chiennes. Limousine clean comme ma paire de fila. On vend des phases et des syllabes pour acheter une villa au bord de la mer à Saint-Tropez. Ceux qui croyaient que là-bas c'est mort se sont trompés. On est de retour, plus fort que jamais, lourd comme un lingot d'or pour le faire jusqu'à la mort. Faut pas qu'on dort, maintenant c'est le moment. Bébé bouge ton corps quand la base est dans la sono. Skills polo, poteau la couleur de mon Tommy Hill. Combiné à la Volvo devant mon domicile. Des dollars bills dans mes poches et dans celles de mes proches. Avec plus de couleurs qu'une montre swatch. Beaucoup d'amour pour nos frères et puis nos sœurs. On a connu la galère et maintenant c'est notre heure. Pour briller comme le soleil dans le ciel. Dans le ciel fils, ou la présidentielle. C'est la base fils, impossible d'arrêter la team. On vient pour ramasser le cash vite. Ma FIA connexion, pure comme la colombienne. La mif avant le bif avant les chiens. C'est la base fils, impossible d'arrêter la team. On vient pour ramasser le cash vite. Ma FIA connexion, pure comme la colombienne. La mif avant le bif avant les chiens. Fixe le ciel, nos objectifs sont galactiques. Mix dans nos veines, aucun rêve ne figure utopique. Les faits sont là, croquons la part qui nous conviendra. Que Dieu me guide et m'éloigne de leur beretta. J'suis dans le secteur, une inspiration nucléaire. Vrai producteur, porte du Tommy Hilfiger. Mais ne diffie guère, les apparences sont trompeuses. On crée des classiques visuels dits d'une perne. Vis dans la bonne époque, et pas de doute, pas de doigt dans le bloc quand on shoot. Toujours le look soigné, en studio ou en soirée, bande d'enfoirés. La réussite nous perce, rien pour nous duper. Créer nos propres industries, les comptables ont tout saisi. Obligé de faire le tri pour s'en sortir. La force donne en concert, je me sens léger comme l'air. C'est la base, on sort que du légendaire. Impossible d'arrêter la team. On vient pour ramasser le cash vite. Ma FIA connexion, pure comme la colombienne. La mif avant le bif avant les chiens. C'est la base fils, impossible d'arrêter la team. On vient pour ramasser le cash vite. Ma FIA connexion, pure comme la colombienne. La mif avant le bif avant les chiens.